Il fait froid et nous, nous avons chaud. Mais pendant ce temps, toutes les nuits, il y a des hommes et des femmes, des petits-enfants, qui en plein Paris sont étendus dans la neige sur le trottoir. Pour les chiens qui crèvent dehors, il y a une fourrière. Est-ce que pour nos frères et nos sœurs, il n'y aura rien ? C'est la tristesse que tu peux lire dans mes yeux. Tu doutes que le Père Noël puisse exaucer mes vœux. Petit Papa Noël, t'es descendu du ciel hier comme chaque année. T'as engraissé les mêmes, t'as oublié les mêmes. C'est le réveillon, je me retrouve seul, un nœud au bide et j'ai pas d'appétit. J'ai le seum charbon qui brille, je brûle le sapin de la mairie. Je me casse à l'épicerie pour 4 euros, j'achète à boire. Des SDF, cherche la chaleur dans du pinard, j't'avoue que ça me jette un froid. J'batte ce triste décor et vide ma calette pendant que les yeux des gosses brillent devant les vitrines du Galerie Lafayette. Pour moi, rien de magique, j'squatte un banc et cassine déroulée. Les riches préparent la dinde pendant que les pauvres se farcissent les poulets. Loin des repas de famille, on s'enfume de pollen. J'ai pas le droit au dessert, j'ai juste droit aux embûches de Noël. Vas-y, laissez-moi seul, vous et vos blabla de grande commère. Je fous que la merde, jack les trottoirs. Qui seront blancs comme neige. J'ai vu l'ambiance, il faut que je me casse comme Usain Bolt. Pas de Père Noël, car comme au quotidien, on voit des scènes hot. C'est du comico, pas de la cheminée. Lorsque la braque descend, ça sent le sapin. La vie te fera pas de cadeau, même à 24 décembre. Noël, son ambiance, ses cadeaux, ses lumières, quelle joie. Mais aussi ses suicides, ses grandes souffrances et ses tentatives de choix. J'ai fait le choix de faire du rap, une musique de chaleur. En Satan font la dalle des autres passeurs dans les restos du cœur. Noël, son ambiance, ses cadeaux, ses lumières, quelle joie. Mais aussi ses suicides, ses grandes souffrances et ses tentatives de choix. J'ai fait le choix de faire du rap, une musique de chaleur. En Satan font la dalle. Les autres passantes dans les restos du cœur. Accroche-toi à tes rêves, ce soir personne ne tient les rênes. Si j'atterris sur toi, c'est que je fais des tonneaux dans les airs. J'insère la carotte dans le blaire de ton bonhomme des neiges. Donc tiens-toi à carreau ou t'auras le même privilège. J'ai vu le Père Noël se branlant dans tes chaussettes. L'élan de générosité d'une bande de faussaires. La mère Noël sous de faux airs. Le 8 un crétin, 4 un commère. Et sous le sapin c'est le même commerce. Tu coules pas sous les cadeaux mais sous un tas de promesses. Si tu bouges pas ton cul c'est l'effet boule de graisse. Donc reste debout et tu verras tes parents travailler sans cesse. Absent pendant que tu restes là à attendre qu'on pénètre sans latex. Noël. Noël, son ambiance, ses cadeaux, ses lumières, quelle joie. Mais aussi ses suicides, ses grandes souffrances et ses tentatives de choix. J'ai fait le choix de faire du rap, une musique de chaleur. En Satan font la dalle des autres passeurs dans les restos du cœur. Noël, son ambiance, ses cadeaux, ses lumières, quelle joie. Mais aussi ses suicides, ses grandes souffrances et ses tentatives de choix. J'ai fait le choix de faire du rap, une musique de chaleur. En Satan font la dalle des autres passeurs dans les restos du cœur. Le seul problème d'une vie, c'est que ça se termine. Le seul test qu'elle a à faire passer, c'est juste qu'elle valide mes rimes. Le temps t'ajoute des cernes, des rides du passé, des gènes, des rides, ce qui fait que t'es riche. Mentalement, tu te dis. Si tu dérives, t'attends que le Père Noël descende ta hoche. Tu jettes tes bûches dans la cheminée en rigolant avec tes potes. Et pendant ce temps-là, à Paris, les tocs alimentent leur pipe avec du crack. Les dames sont fourrées, les poulets courent à leur perte en cherchant loup. Et Dieu soit loup, et c'est pas le même Noël pour tous. Le cœur y est, c'est juste une date sur un calendrier. Je n'ai pas vu de traîneau parmi les étoiles. Je n'ai vu que des mecs traîner à péter des némanes le soir du réveillon. C'est de la tristesse que tu peux lire dans mes yeux. Dans mes yeux, dans mes yeux. Je doute que le Père Noël puisse exaucer mes vœux. Joyeux Noël quand même. Que le Père Noël puisse exaucer mes vœux. Mes vœux. Mes vœux. Mes vœux. Mes vœux.